الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه، فما أسعدكم إن أطعتم. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إن من أبواب الخير العظيمة التي رغب فيها الشارع الحكيم وحث عليها الصدقة. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الصدقة إذا كانت من كسب حلال خالصة لوجه الله تعالى فإن الله يقبلها بفضله ويضاعف ثوابها لصاحبها أضعافا مضاعفة، والله ذو الفضل العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وصححه الألباني. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه صلى الله عليه وسلم، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، إلى أن قال: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدور في شرح الصدر. انتهى من زاد المعاد لابن القيم عليه رحمة الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، سامي تعد الله Allah et soit-il nous dit dans le Coran, dans le sens du verset: et quelle dépense que vous faites, quelle aumône, quel don que vous allez donner, Allah vous donnera meilleur en échange. Allah vous le remplacera. Et il est le meilleur des donateurs. Et il est le meilleur de ceux qui donnent la subsistance et les richesses. Parmi les portes du bien énorme dont le législateur sage a encouragé et a demandé aux gens de l'accomplir, c'est l'aumône. Allah et Messie-t-il nous dit dans le sens du verset, ceux qui dépensent leur richesse, leur bien, de nuit comme de jour, en cachette comme en plein jour, ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Aucune peur pour eux et ils n'auront pas à s'attrister. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une aumône, de l'équivalent même d'une date, qu'il a acquis d'une manière licite, permise, d'une bonne manière, et Allah n'accepte que ce qui est bon, Allah l'acceptera, la prendra par sa droite, puis il la fera fructifier auprès de lui pour cette personne qui a fait cette donation. Comme l'un d'entre vous élève son poulain pour en faire un grand cheval plus tard, jusqu'à que cette aumône, qui à la base, on a bien vu l'exemple, c'est la taille d'une date, c'est l'équivalent d'une date. Et auprès d'Allah, elle sera de l'équivalent de la taille d'une montagne, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. L'aumône qui a été bien acquis, bien gagné d'une manière permise, licite, et qui est donnée sincèrement pour la face d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, Allah l'accepte de par sa bonté. Et Allah la fera, Allah la multipliera, multipliera les récompenses de cette donation pour le donateur de beaucoup de fois. Et Allah détient beaucoup de bonté et de bien. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sept personnes, sept catégories de gens, hommes comme femmes, seront sous l'ombre d'Allah. Dans d'autres hadiths, il est bien précisé qu'il est voulu par l'ombre d'Allah, l'ombre de son trône, subhanahu wa ta'ala. L'ombre du trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et parfois dans des hadiths, on dit l'ombre d'Allah. C'est un honneur qui est fait à cette créature, qui est l'ombre, qui est affiliée à Allah azza wa jal, qui est une créature qui a une place auprès d'Allah azza wa jal, mais c'est l'ombre du trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, seront sous son ombre le jour où il n'y a d'ombre que la sienne. Et il a cité parmi ces sept, et une personne, un homme comme une femme, qui a fait une aumône et qui a caché cette aumône. Il l'a fait en secret pour que personne ne le sache, de sorte, tellement qu'il l'a fait en secret, tellement qu'il s'en est caché, de sorte que sa main droite, que sa main gauche, de sorte que sa main gauche ne sait même pas ce qu'a donné sa main droite. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et toujours d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jamais une richesse n'a diminué à cause de la sadaqa, à cause de l'aumône. Une aumône ne viendra pas à diminuer la richesse de la personne. Rapporté par Muslim. Et d'après Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne vais-je pas t'informer sur les portes du bien? Le jeûne est une protection et l'aumône vient à effacer, à éteindre le péché, de sorte que le péché n'existe plus. Il n'y a plus de trace de ce péché, comme l'eau, elle vient à éteindre le feu. Et comme vous le savez, lorsque l'eau a éteint le feu, il n'y a plus de trace de ce feu. Rapporté par Al-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. L'imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, dit dans son ouvrage Zadul Ma'ad, fi hadi khayr al-ibad. Il dit en parlant de notre prophète, alayhi salatu wassalam, la donation et l'aumône étaient la chose la plus aimée auprès de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une joie, une fierté. Il était très content de ce geste qu'il faisait en donnant une joie qui dépassait la joie de celui qui allait recevoir cette aumône, de celui qui allait, à qui on allait donner cette donation. Il est encore plus joyeux en donnant que celui qui reçoit cette donation ou cette aumône. Et il était bien le plus généreux de tous les hommes. Puis, après quelques passages, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la poitrine la plus épanouie, la plus ouverte, et qu'il était de meilleure humeur, et il avait le meilleur des cœurs, car l'aumône et les bonnes actions, les bonnes œuvres ont un impact, un effet étonnant pour l'épanouissement de la poitrine. اللهم ردنا إلى دينك ذا الجميلة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله